Bonjour ou bonsoir, peu importe. Bienvenue à Scène Extra, je m'appelle Mathieu Plante. Si vous connaissez pas le concept de Scène Extra, parce que ça fait peut-être 3 ans et demi qu'il n'y a pas eu de capsule Scène Extra sur le site web. Mais bref, c'est l'émission en ligne seulement, c'est l'extension de CNX, l'émission à public de la radio. Et cette semaine à CNX à la radio, ben on a fait une émission spéciale GoGo Gadget. On a passé huit capsules GoGo Gadget dans cette émission-là. Et il m'en restait plusieurs jusqu'au début janvier, depuis qu'on a recommencé CNX. Bref, je me suis dit, pourquoi pas vous les donner dans une émission de CNXtra, une à la suite de l'autre. Donc, retrouvez les notes de l'émission et puis regardez ça dans l'ordre. Vous allez voir, les capsules vont se suivre une à la suite de l'autre. Et puis, ben, amusez-vous avec les capsules GoGo Gadget. Parce que vous devez être au courant de tout ce qui se passe en gadgets ridicules et stupides partout dans le monde. C'est pour ça que la chronique GoGo Gadget existe. Commençons par un article du TokyoTimes.org. C'est un site web. Oui, c'est vrai. Quand on fait pipi, hein, vous à la maison, les garçons, là, vous faites pipi. Des fois, pas à la bonne place. Même ici, à l'université, on s'en rend compte assez souvent. Eh bien, du Japon directement arrive ce coussin en forme de toilette qu'on met en dessous d'un urinoir ou d'une toilette à la maison ou n'importe où. Vous pouvez traîner ça, j'imagine, dans votre sac à dos. C'est un peu gros, mais quand même. Ça s'appelle le Angel Lap Pillow et ça vous aide à viser correctement parce que plus on est proche du bidet, si on veut, du bol, plus le visage est facile. Hein? Voir les beaux petits graphiques très, très japonais qui montrent comment ça fonctionne sur le unechance.com dans la section GoGo Gadget. On parlait la semaine passée d'un tapis qui allait à l'extérieur de la maison pour permettre aux gens de se frotter les pieds, hein, avec un petit slide to unlock, là, un glissé pour débarrer, un peu comme sur le iPhone, avec le même graphisme que sur l'iPhone. C'était joli, c'était mignon. Cette semaine, wallyou.com nous parle de Gizmodo qui a fait une simulation Photoshop, donc ce n'est pas un vrai produit, d'une paire de sous-vêtements féminins avec slide to unlock. Je trouve juste ça drôle. Ça n'existe pas, mais c'est super drôle. Allez voir sur unechance.com. Des gamers, des joueurs compulsifs de jeux vidéo au MIT ont construit, ils appellent ça un pod, un endroit, un petit cubicule si on veut pour World of Warcraft qui contient tout ce dont une personne aurait besoin pour survivre environ pendant 3 jours en jouant constamment à World of Warcraft. À l'intérieur, le gamer peut se trouver très confortable dans son siège, assis devant un écran d'ordinateur avec de l'eau facile à approcher, là, avec sa main à l'intérieur d'un bras de distance, si on veut, de la nourriture en sac et une toilette qui est placée directement en dessous de son trône, fait personnalisé pour la paire de fesses qui va l'accueillir. Lorsqu'on a faim, donc, on n'a qu'à choisir un article, par exemple, je sais pas, des petites chips, hein, et un paquet d'assaisonnement, ou un autre plat, n'importe quoi, quelque chose qui peut même être chauffé, parce qu'en scannant l'article, avec un code barre peut-être, le jeu vidéo va physiquement ajuster une place chaude, d'accord, pour faire cuire ou chauffer l'article pendant le bon temps qu'il faut. Ensuite, le personnage virtuel va annoncer le statut du repas aux gamers et aux autres personnes qui jouent dans sa même équipe, on peut supposer. Par exemple, le repas de Vorkon est enfin cuit ou vaudrait mieux manger ce repas avant qu'il soit froid. Hein? Tu sais, l'idée est complètement stupide, mais en même temps, tu sais, j'en prendrais un. Hein? Vous autres aussi. Hein? Sur ubergizmo.com, on parle du laptop pillow qui est littéralement un oreiller en forme de portable avec une belle beau petit pli de couture à l'intérieur et ça ressemble à un... ça ressemble à un MacBook, mais apparemment c'est Windows qu'il y a dessus, mais bref, peu importe. Donc si vous voulez dormir sur la job, tout en ayant l'air presque de travailler si vous avez un patron vraiment naïf, là. Mais bref, laptop pillow, l'idée est drôle, utilisez ça à la maison, ça fait toujours l'affaire pour rire un peu. Si vous êtes comme moi et qui ne l'est pas, vous détestez passer le balai à la maison. Hein? Quand vous êtes geek, vous voulez être sur l'ordinateur. Vous voulez pas être en train de faire quelque chose d'utile comme du ménage. Non. Outrage au tribunal. Mopper ou passer le balai, c'est une chose du passé avec ses super, superbes même, je dirais, pantoufles, barre oblique, gougoun, avec un dessous en balai mop, un peu. Hein? Donc, ça c'est du velcro et vous pouvez les enlever et les mettre à la machine à laver. 19$ par paire, un très bon investissement. Allez voir les photos, c'est sur lunechance.com. L'article vient de Ogizmo. Le 3D est à la mode en ce moment. Si vous avez regardé des bandes d'annonces de films ou n'importe quoi, vous savez, en ce moment, tout est en 3D. Hein? Sinon, c'est pas cool. Mais une table, c'est souvent, pas ben, c'est en 3D qu'on s'entend que c'est une troisième dimension, mais dans quand vous la regardez, hein, tu sais, vous voyez juste une table. C'est pas tellement 3D. Bref, c'est pas aussi 3D que ça pourrait être. Ça peut toujours être plus 3D. C'est pour ça que John Nuanesing a fait ce design, ce concept de table en stéréovision. Donc, littéralement, chaque patte est en fait deux pattes, une bleue et une rouge. Et le dessus de la table est aussi séparé en couleurs, mais le milieu est noir. Bref, il faut voir ça avec des lunettes 3D. Pareil comme au cinéma. Hein? C'est le fun. Toujours avec des lunettes. Ces lunettes Lego. Haha, et ça c'est génial, c'est un fabricant de jouets français. En fait, non, c'est une compagnie optique de lunettes, donc Lynx Optique, voilà. Mélangé avec les Lego, finalement. Donc c'est des lunettes, tout ce qu'il y a de plus affreuse, avec un devant en plastique vraiment laid blanc. Mais sur les côtés, c'est comme des barres de Lego à deux points de largeur. C'est deux points de largeur. Donc, vous pouvez faire plein de constructions ou brancher, je sais pas, un petit Jésus en Lego, peut-être. Ou peut-être une fusée spatiale Lego. Bref, portez ça comme ça, vous tente. Allez voir l'article qui vient de Geekologie au www.unechance.com. Plus rapidement, celui-là, c'est un savon à main qui est littéralement fait en forme de main et qu'on arrange sur le mur et qu'on a juste à frotter ses mains contre cette main-là. C'est génial, je trouvais ça juste une bonne idée. C'est pas très très techno, mais c'est geek pareil d'avoir ça, il me semble, je trouve. Et un concept, ça c'est vraiment super intéressant. Oui, c'est vraiment le fun. Les gens qui utilisent un BlackBerry ou un iPhone, les utilisateurs de ces deux-là, se chicanent sur Internet pour savoir quel clavier est mieux. Tu sais, c'est mieux d'avoir un clavier à l'écran, parce que c'est mieux d'avoir un clavier physique après un BlackBerry. Bref, ce nouvel affichage prototype pourrait faire le pont entre les deux. Ça combine deux technologies, la technologie du touchscreen, avec des boutons physiques qui apparaissent ou disparaissent dépendant de l'application. Hein, c'est pas génial ça? C'est deux étudiants au Carnegie Mellon University qui ont développé un écran avec trois fonctions. Des boutons qui pop up, donc qui s'en vont vers le haut, qui deviennent des boutons. Et un clavier qui peut apparaître et disparaître. L'utilisateur peut donc faire ce qu'il veut avec ce qui apparaît à l'écran dépendant du logiciel qui est utilisé. Ou mettons des messages textes ou une calculatrice, quelque chose du genre. Bref, allez voir l'article qui est assez long, je vous expliquerai pas tous les détails, mais ça vient de Wired.com, c'est au www.unechance.com dans la section Google Gadgets. C'est une des idées du futur. Il va certainement être à la mode un jour. Les boutons qui réagissent aux applications, c'est génial. Par les gadgets qui m'ont intrigué cette semaine, qui m'ont passionné, des gadgets que je veux acheter, ou encore des gadgets vraiment stupides. Commençons par du rétro. Vous savez, le rétro est très à la mode depuis toujours. Hein? Depuis les années, je sais pas quoi, le rétro, c'est les années 1860 dans ce temps-là. T'sais, genre, c'est tout le temps bon, le rétro, c'était à la mode. Donc, une manette de NES qui se branche en USB et qui est officielle et vendue par ThinkGeek. C'est quelque chose que j'attendais depuis longtemps. Ça existe depuis toujours, ça aussi, les manettes branchées en USB. On pouvait les faire nous-mêmes. Il y avait des didacticiels en ligne. Il y avait des compagnies qui offraient de prendre votre manette NES et la manigancer et de vous la renvoyer. Et là, vous pouvez en acheter une facilement pour vraiment, vraiment pas cher. C'est sur le site de ThinkGeek.com. Ça va vous rappeler des souvenirs. Vous allez pouvoir jouer avec des émulateurs sur votre portable, disons. Donc, allez-y tout de suite. Ça coûte $30. C'est via le site wallyou.com. Sinon, passez par le site d'émission. Les liens sont toujours là au www.unechance.com. Vous utilisez probablement un calendrier pour marquer vos rendez-vous, vos choses importantes à faire dans la vie. Mais pourquoi pas utiliser une horloge pour, à l'intérieur de la journée, inscrire tout ce que vous avez à faire dans la journée en cours. Par exemple, vous avez un party à 18h, et bien cette horloge toute blanche, avec de belles petites aiguilles et quelques petites lignes au milieu. Et bien là, vous pouvez faire un party à 18h dans le coin et puis mettre une petite flèche avec l'heure. C'est beau, c'est très joli, c'est le Dry Erase Wall Clock. J'aime l'idée et j'en veux une. La SAP Cap est une casquette qui sert aussi d'arme discrète dans les mains d'un maître, on pourrait dire. Donc, c'est une casquette de baseball tout à fait standard qui peut être utilisée en prenant la casquette par son petit devant et en tapant. Et c'est fait de matériel à grand impact, 110% de la densité du plomb et ça ne rouillera jamais. Et il y a ajustement par velcro aussi. Bon, ça sert pas à grand chose, peut-être de l'autodéfense, mais en même temps, il y a des critiques qui disent que la casquette penche de bord. Donc, disons que c'est peut-être pas super confortable, peut-être que vous n'allez pas la porter souvent, mais quand vous allez sortir dans les ghettos de Montréal, vous allez pouvoir vous en servir. Toujours au sujet de casquettes, une casquette ajustable qui vous assure que tout le monde va pouvoir s'en servir de cette casquette avec un genre de petit bouton sur le côté qui se tourne et qui ajuste. Pareil comme les souliers dont on avait parlé il y a quelques mois de ça. Mais par contre, ça coûte 40$ et plus. Donc, je suis pas sûr qu'il y a grand monde qui va vouloir en acheter une. Mais bref, c'est une casquette qui s'ajuste à volonté. Sinon, ça commence à dater un petit peu. Ça a fait le tour d'Internet. Tout le monde en rit. Moi, je trouve ça mignon et joli. C'est des oreillers. Aux couleurs et au lettrage des logiciels de Adobe. Donc, on parle de Photoshop, Illustrator, After Effects, Flash, Dreamweaver. Donc, des logiciels que vous connaissez certainement si vous étudiez en communication ici à l'UQTR. Bref, on achète tout cet ensemble-là et on économise 10$, 80$ pour la collection grand complet. Sinon, c'est 15$ par oreiller. Et ils ont les bonnes couleurs qui vont avec chaque logiciel. Donc, il n'y a pas de fakeage là-dedans. On n'essaye pas d'avoir l'air. On a l'air de grands geeks avec des oreillers Adobe. Collection de Hachi Dashi, c'est bas Warp Zone qu'ils appellent. Et ça, c'est effectivement des bas avec le plancher de Mario Bros 1 et un tuyau qui monte jusqu'à votre peu importe là, et peu importe jusqu'où ils vont sur vos jambes, dépendant de votre grandeur. Bref, meilleur bas de jeu vidéo certainement, mais probablement pas pour les garçons, hein, parce que c'est pas très viril comme bas. Allez voir ça, c'est le www.unechance.com. Et finalement, on dit ici le tapis le plus efficace de tous les temps. C'est le message sur le iPhone. Vous savez, slide to unlock, glisser là pour débarrer le téléphone, pour le déverrouiller. Et bien, c'est un tapis qu'on met devant sa porte. Et non seulement ça va faire fuir les gens, votre tapis va être beaucoup moins sale qu'avant. Hein? Mais en plus, je sais pas, ça fait cute. Tu sais, on glisse les pieds, on se rend propre avant d'entrer dans la maison de quelqu'un. J'aime ça. Allez voir unechance.com pour tous les liens de la chronique GoGo Gadget. On commence cette semaine avec quelque chose. Vous avez peut-être entendu parler de ça dans certains médias alternatifs. Là, grippe porcine, c'est peut-être quelque chose qui vous dit quelque chose vaguement. Bref, il y a une grosse affaire qui se passe en ce moment. Là. Et puis tout le monde se met à porter des masques, tu sais, des masques de chirurgien là, dans leur face, que ce soit en Asie ou au Mexique ou peu importe quand, dépendant de l'année, dépendant de ce qui se passe comme virus. Bref, ici, designer. Qui a fait des masques de chirurgie comme ça, mais avec des décors absolument géniaux dessus. Par exemple, une fille qui tire la langue ou encore un porcinet ou même une grosse barbe ou une moustache. N'importe quoi, des lèvres, un zip. Et vous pouvez les acheter pour 10$. Oui, vous pouvez envoyer un courriel à la fille en passant par le site de l'émission au www.unechance.com et tout l'argent va aller au Mexique pour aider à combattre l'épidémie ou la pandémie, peu importe, de cette grippe porcine. J'aime l'idée, j'aime le concept. De la vodka au bacon, est-ce que ça vous intéresse? On parle souvent de bacon de ces temps-ci parce que c'est à la mode de faire des gadgets qui ont rapport avec le bacon. Donc ici, c'est le Bacon, B-A-K-O-N, qui est une vodka à saveur de bacon. Pour vrai, oui, ça existe vraiment, mais seulement disponible à Washington, en Idaho, dans le Montana et l'Oregon en ce moment. Et vous pouvez vraiment l'acheter pour vrai. Et vous pouvez aller voir le site unechance.com pour retrouver des recettes à faire avec cette vodka au bacon. Donc procurez-vous-en, c'est toujours bon dans la bouche. Votre gazon, le gazon de votre cour, le gazon de votre ville sert sûrement surtout pour les chiens, hein? Mais ça peut servir à vos gadgets aussi. Oui, gadget qui coûte 27$, qui est un petit bloc, une petite boîte blanche avec du gazon à l'intérieur. Et il y a des prises, des trous pour passer les fils de vos gadgets et vous pouvez brancher votre gadget dans le petit terrain de gazon et les faire reposer là. Votre iPhone, votre téléphone numérique, lecteur MP3, n'importe quoi, tout ça pour 27$. C'est joli, ça fait zen à la maison, je dirais. Un nouveau produit sur le site de ThinkGeek. ThinkGeek, qui est un de mes sites préférés pour les gadgets de geek. Ils viennent de sortir les RoboCube Microbots. C'est les plus petits robots bipèdes dans le monde entier. Apparemment, oui, ils sont arrivés. Ils ont peut-être pas l'air de grand-chose en les regardant. Mais en plus d'être téléguidés, donc contrôlés par une manette, ils sont aussi capables d'éviter des objets de façon autonome. Ils sont capables de faire plein d'autres choses aussi. Il faut aller voir la vidéo postée par botjunkie.com qui est sur le site de l'émission ou unechance.com Ces robots-là ont 3 vitesses de mouvement et après une charge de 20 minutes, directement à partir de la télécommande, vous branchez sur la télécommande, ils vont pouvoir fonctionner pendant 5 minutes. Ça coûte 40$ et c'est peut-être aussi donc les robots bipèdes les moins chers au monde. Allez voir sur le site de ThinkGeek pour plus d'informations. Les boxers qu'on appelle No Wash ont été inventés par un étudiant en médecine de 29 ans, Rob Libfield, qui dit qu'il a eu l'idée après avoir remarqué que ses parents étaient gênés dans l'hôpital quand ils arrivaient avec leurs sous-vêtements blancs qui étaient un petit peu, disons, souillés. Hein? Souillés, ça se dit à la radio, ça? Comme vous allez le voir sur la photo dans l'article au geekologie.com, ces boxers à 13$ sont tout jaunes à l'avant et tout bruns à l'arrière, donc vous pouvez faire ce que vous voulez dedans sans que ce soit visible. Par contre, l'odeur est encore là, donc faites attention. Mais bref, les No Wash Boxers de Rob Libfield. Allez voir le site de l'émission au unechance.com. Le prochain gadget n'est qu'un concept, donc c'est pas quelque chose qu'on peut acheter pour l'instant, malheureusement, mais c'est sûr que je serais le premier à l'acheter si ça existait pour vrai. C'est des écouteurs, ils appellent ça YI Sound. YI Sound. Bref, c'est des écouteurs à zip. Donc, littéralement, vos écouteurs sortent de deux fils et ces fils-là sont un zip et un autre côté de zip. Et il y a un zipper dans le milieu et on peut le monter jusqu'à la hauteur désirée pour que ça arrête de pogner dans les boutons de manteau, ce qui m'énerve vraiment royalement. Mais encore plus intéressant, non seulement vos écouteurs vont arrêter d'être tous mêlés ensemble, mais en plus, il y a un bouton volume après le zipper. Donc, vous pouvez tourner le petit bout là, puis là, le volume change. Mais bref, c'est pas un vrai gadget pour l'instant. Il faut le retenir. Mais aussitôt que ça va être disponible, il va falloir en reparler. Il y a aussi une chose quand tu appuies sur le bouton, tu le tiens, ça fait que le bouton est bloqué, donc le bouton de volume bougera pas pendant votre mouvement. Voilà, ça vient de yankodesign.com. Tout le monde qui est cool va voir ça un jour. Et la prédiction de Mackenstein.com, c'est, il appelle ça le Bubble Music Balloon. Pas Bubble, c'est Balloon, Music Balloon. Un article à la mode qu'on branche dans son iPod Shuffle, iPod Nano, iPhone, n'importe quoi. Et c'est littéralement un haut-parleur en forme de ballon. Ça ressemble plus à une mousse de micro, mais bref. Disponible en plusieurs couleurs. Là, je vois ici rouge, rose, noir et plusieurs autres. Ça vient du site thecoolhunter.net, l'article que j'ai vu là. Bref, allez voir le gadget en question sur le site de l'émission au www.unechance.com. Et c'est pour vrai, c'est un vrai article de mode. Système de 7 watts. Ça va faire la fête, ça. Quelque chose qui n'est pas un concept, mais une vraie chose qui aurait peut-être dû rester concept. L'artiste Sam Morrison a fait ses petits sacs de papier brun tout à fait mignons pour prendre une pause avec l'aide de votre compagnie préférée et la mienne, Apple, parce que c'est un sac brun avec le logo de la pomme et le texte « I lunch », comme dans « I dîner ». C'est très joli et ça coûte 3$ pour 5 sacs sur le site Etsy.com. Un petit tour des gadgets qui m'ont le plus intéressé cette semaine, les plus fascinés, soit par leur inutilité ou encore leur utilité. On a tous vu des téléphones cellulaires qui fonctionnent avec le soleil, là. C'est bon, comme des calculatrices. On a déjà vu des cellulaires qui sont à l'épreuve de l'eau aussi, mais il faudrait combiner les deux pour vraiment profiter de la technologie le plus possible. Et c'est pour ça que Sharp va vous sauver de ces désastres naturels en lançant ce téléphone qui est à l'épreuve de l'eau et qui fonctionne au soleil. C'est vrai. C'est bien pour, par exemple, je sais pas, sur la mer peut-être, en train de vous battre contre des pirates. Le prix et les caractéristiques sont pas encore connus, mais Sharp a dit qu'après 10 minutes de recharge au soleil, le téléphone va vous donner une minute de discussion au téléphone et 2 heures de stand-by, donc d'attente. Ça va être disponible en juin. Juste à temps pour l'été. Par Sharp. Un concept maintenant qui n'est pas disponible à la vente, c'est Elizabeth Bucher qui a fabriqué ses Green Warrior Shower Curtains, ou des rideaux de douche guerriers verts, si on veut, pour vous aider à baisser votre consommation d'eau. Hein, parce que les gens utilisent beaucoup trop d'eau chaude, même souvent quand vous payez le chauffage. Donc, ce qu'il y a, c'est des pics sur un rideau qui sont vers le bas, sur le rideau, bien normalement. Et plus vous prenez d'eau, parce qu'il y a une pompe à air, genre, dans cette affaire-là, et plus les pics vont monter jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous fassiez achaler par les pics assez pour que vous arrêtiez de prendre votre douche. Évidemment, il ne faudrait pas échapper le savon par terre, parce que là, ça pourrait être un petit peu difficile à gérer. Hein? Voilà, donc ça vient du site web geekology.com. Encore un autre lecteur flash. À chaque semaine, on dirait qu'on parle d'un nouveau lecteur flash qui soit en forme de chien en train de se faire des choses avec, en tout cas, sur son... En tout cas, allez voir sur Internet, ça se trouve assez facilement. Ici, c'est le plus petit lecteur USB, la plus petite clé USB au monde, qu'ils disent. Évidemment, tout le monde dit ça, mais Eagle Tech et la compagnie. Et ça mesure 19 par 15 par 6 mm. Et ça ne pèse que 3 grammes. Donc, vous avez peut-être vu au magasin des souris USB avec une toute petite prise pour brancher dans votre prise USB. Tu sais, là, c'était tout petit, puis les gens trippent là-dessus parce que c'est facile à transporter. Même chose, mais là, c'est une clé USB avec de la mémoire dedans. On parle de 22$. Vraiment pas grand-chose pour 4 gigs ou 8 gigs pour 33$. C'est vraiment, vraiment pas cher. Eagle Tech Nano Flash. J'adore ça. J'en veux 14, je pense. Dis des gadgets utiles, il y en a beaucoup. Mais des gadgets qui servent absolument à rien, il y en a beaucoup aussi. Et celui-là est particulièrement stupide. C'est un robinet de salle de bain. Tout ce qu'il y a de plus commun, excepté que dessus, il y a un écran où on peut avoir la météo, un calendrier et même aller voir ses courriels. Pourquoi est-ce que tu devrais aller voir tes courriels en te lavant les mains? Sérieusement, il me semble que tu veux pas mettre de l'eau non plus, tu sais, en allant toucher à l'écran ou en touchant au gadget pour aller voir tes courriels. Non, tu veux juste voir. Au pire, c'est absolument, il faut absolument que tu aies un gadget comme ça, juste voir ta météo puis ton calendrier. Il me semble que c'est en masse. Avec l'heure, ça pourrait être bien. Bref, c'est super cher, on est sûr, tellement que j'ai même pas osé aller voir le prix. Ça semble qu'il est pas dans l'article. Mais ils font aussi la même compagnie, ils disent que oui, c'est ça, que le... Le plus drôle là-dedans, vous trouviez ça drôle jusqu'à maintenant. Moi, en tout cas, je trouvais ça drôle. En plus, il y a un détecteur de face qui va regarder ta figure et te dire, tu sais, tu vas pouvoir ajuster la température correctement. Genre, tu vas arriver devant, il va détecter ta figure et mettre l'eau à la bonne température. La technologie du futur, c'est tout le monde. Même chose pour l'autre, pour le bain. Il y a un bain qu'ils font aussi, je sais pas combien ça coûte ça non plus, mais ça doit être vraiment cher pour détecter qui tu es et puis mettre la bonne eau dans ton bain. Bref, ça vient de ogizmo.com et c'est vraiment le fun. En tout cas, si ça descend en prix, je dirais pas non à ce gadget-là quand même. Là. Hein? En tout cas, bref, qui paierait pour ça présentement? Vous avez de la difficulté à trouver un papier d'emballage pour votre cadeau, un cadeau pour un geek. Okay. Et là, à la place de le faire vous-même, trouver des photos, puis mettre du temps là-dedans, puis de l'émotion, puis tu sais, faire comme si c'était vraiment, tu sais, un cadeau gentil. À la place, achetez ce beau petit papier fait comme dans les magasins, tu sais, dans le bon vieux temps. À la place de faire imprimer le prix, tu sais, ils mettaient des lignes dans un genre de symbole, puis là, ils pouvaient mettre du noir avec un marqueur par-dessus ces lignes-là, puis ça faisait des chiffres. Est-ce que j'ai besoin de vous l'expliquer plus longtemps que ça? J'espère que non. C'est la même chose dans un emballage cadeau. Donc, vous prenez un marqueur de n'importe quelle couleur, vous mettez des traits, pareil, comme sur un cadran. Ça ressemble à du cadran. C'est tellement carré. C'est super le fun. Yellow Owl Workshop est le magasin qui vend ça. Les feuilles mesurent 35 par 25 pouces. Bien assez pour emballer pas mal d'affaires. Et ils sont faits de papier recyclé 100%. Et 5 feuilles coûtent 20$, 19,50$ sur Yellow Owl Shop. Moi, j'aime ça. J'en veux un cadeau emballé là-dedans. Ça me toucherait énormément. Si vous êtes au bureau, vous vous emmerdez, je sais pas, c'est votre dernière semaine, je sais pas, avant de tomber sur le chômage, quelque chose de genre, vous avez rien à faire, peut-être à un certain moment dans la semaine. Achetez ceci, c'est comme un genre de Où est Charlie, mais physique. Vous recevez un tube avec des petits morceaux de plastique de différentes couleurs, là, petites affaires de plastique. Là. Et puis à l'intérieur de ça, il y a 40 articles sur un thème précis. Là, ça peut être les sports, le zoo, la plage, les oiseaux. Et vous devez trouver ces articles-là dans les petites billes de plastique. Et en plus, ils incluent une liste qu'on peut cocher lorsqu'on trouve quelque chose. C'est malade. J'adore ça. Ils disent pas le prix dans l'article, mais ça vient de nerdapproof.com. Et de toute façon, les liens de l'émission d'aujourd'hui, de toutes les émissions de CNX, sont sur le www.unechance.com. On continue avec une montre que moi, j'aimerais vraiment avoir. C'est une montre de geek, mais vraiment à fond. J'aime ça, les montres. J'en porte pas parce que je suis pas vraiment capable de porter ça sur un poignet. Ça m'énerve, mais bref. Celle-là, je ferais peut-être un sacrifice. T'sais. La Faceless Watch qui va vraiment confondre vos amis et même les horlogers seraient peut-être confus par ça. Hein? Bref, ça vient de Tokyo Flash. Ça a juste l'air d'un bracelet de montre. Juste un bracelet de métal que plusieurs montres ont. T'as l'air d'avoir juste un bracelet de métal sur le poignet. Il n'y a rien dessus. Et puis là, tu regardes de près et tu vois qu'il y a des cracks. Un peu comme le papier d'emballage tantôt. Là, juste un 8. Des cracks en forme de 8. Et puis là, boum, quand tu demandes l'heure, les chiffres apparaissent en genre de LED par-dessus. Ça prend les lignes qu'il faut pour faire les chiffres qu'il faut. Bref, c'est super joli. C'est génial. Appuyez sur le bouton et l'heure apparaît par magie. La LED Watch, présentement, Faceless Watch, peu importe comment vous voulez l'appeler, est encore à venir bientôt sur le site du produit qui est au 100 P-E-R-100, là. P-E-R.com, sans PA.com. Et puis, pour l'instant, il n'y a pas encore de date d'envoi non plus. Mais bref, il va falloir s'en rappeler, retourner voir sur Internet pour trouver cette montre-là une fois qu'elle sera sortie. J'essaierai de vous en reparler. Du génie, du pur génie, dit Engadget.com. Pour économiser du temps dans la vie, tu sais, changer d'heure là, deux fois par année, c'est long. C'est plat. Ça me tente pas, moi, de faire le tour de mes gadgets pour changer l'heure. T'en oublies toujours une. Là, tu finis par te dire, hey, il était là, puis finalement, oh non, il est une heure plus tard. Oh merde. Tu sais, voilà. Donc, un génie a inventé une horloge qui n'a pas de chiffre dessus et qui, en plus, non seulement est-elle ronde de cette horloge, mais il y a un coin de coupé en diagonale, donc on peut facilement basculer l'horloge vers la gauche ou vers la droite pour changer d'heure. C'est malade! Juste un mouvement! Twink! J'adore ça. C'est le designer Denis Guidoun. De Guidoné, on va dire Guidoné, ça va être plus viril. Qui a inventé ce chef-d'œuvre. C'est la Aura Illégale Clock, qui donc a aucun chiffre et se bascule. C'est génial. Pour l'instant, il n'y a pas de prix, mais là, normalement, quand je parle de gadgets vraiment comme exotiques, ésotériques, ou je sais pas comment dire ça, comme ça, c'est un concept et c'est pas vraiment un gadget qu'on peut acheter. Dans ce cas-ci, ça va vraiment être produit. Ça va vraiment devenir une vraie horloge. Bref, on vous tiendra au courant. C'est via le site Engadget.com. Deux choses qui ne sont pas des gadgets, mais que je trouvais intéressantes, c'est des choses qui ont été fabriquées, des inventions, si on veut. Celui-là n'est pas vraiment un vrai produit. Hein? Mais c'est sur le site iwood3b.com et la lettre iwood comme du bois 3b là, .com, bref, belle adresse. Jesse Willman et sa femme ont fabriqué un faux iPhone fait avec du bois qu'ils utilisent pour genre compenser pour les endroits où l'iPhone n'est pas socialement acceptable. Bref, allez voir le site, c'est une belle parodie. Le site est bien fait, il y a plein d'exemples d'utilisation du iwood. Ça dit qu'on peut l'acheter pour 10$. Je sais pas s'il en fabrique vraiment. Bref, j'essaierai pas de les cliquer dessus pour l'acheter. Est-ce que je le fais? Je clique dessus. Bref. Ah, hein, on a apparemment qu'on peut le faire. Oui, ça dit à cause de la très haute demande, le nouveau iWood avec technologie 3B sera envoyé une à deux semaines après votre commande. Mais c'est génial. Juste un beau petit article, un bel article à afficher dans votre appartement, dans votre chambre de geek. Un faux iPhone en bois. J'adore ça. J'adore ça. Le zoo de Rotterdam, vous avez peut-être entendu parler de la nouvelle d'une femme qui avait été attaquée par un gorille parce qu'elle l'avait regardé. Apparemment, quand tu crées un contact visuel avec un gorille, ça peut mal tourner. Le zoo de Rotterdam donne maintenant des lunettes en carton avec des yeux dessus, mais qui pointent dans une autre direction. Comme ça, t'as pas l'air de regarder le gorille, mais tu le regardes à travers des trous dans les lunettes. Je trouve ça génial. C'est juste une belle invention. Ça vient de boingboing.net, l'article. Allez voir le unechance.com. Et finalement, ah tiens, ah c'est beau ça, c'est vrai, c'est Dante Bonocelli pour le projet Umul 2009 ou projet UMUL, c'est Use More, Use Less, donc utilisez en plus pour en utiliser moins, ce genre de projet de recyclage, on dirait. Bref, c'est des chaises textiles au lieu de tactiles qui sont faites avec d'anciens claviers et qui sont apparemment aussi confortables que des chaises normales et c'est parfait pour les gens qui sont geeks comme moi puis qui ont envie de décorer leur maison avec des articles d'ordinateur et ils savent pas comment le faire parce que c'est pas toujours facile de recycler des gadgets pour faire de la décoration. Et dans ce cas-ci, ça vaut la peine. Les barres espaces sont particulièrement jolies. Donc allez voir cette chaise Textile Chair de Dante Bonocelli. Ça vient de gizmo.com. Le lien est comme toujours sur le site de l'émission au www.unechance.com. C'est la seule chose que vous avez à retenir. Go Gadget cette semaine, beaucoup de choses qui m'ont intrigué, surtout quand ça parle de Mario. Vous savez, je suis un grand fan de Mario, je m'assume tellement là-dedans. C'est vrai, Nintendo a donné la permission à la compagnie USA Upper League, qui est la même compagnie derrière Donkey Kong Jenga et Monopoly version Nintendo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Ben, maintenant, ils ont le droit de produire une version de Super Mario Bros. Du jeu qu'on connaît tous, les échecs. Hein? C'est bien parce que les jeunes, les échecs, ça les intéresse pas du tout. Si on met des figures de dessins animés ou de jeux vidéo dessus, ça peut les intéresser un petit peu plus. Drôle de chose, par contre, dans ce jeu-là, c'est les positions des personnages Luigi et la reine de Mario à la place de la princesse. Je sais pas, il me semble que c'est bizarre. Je sais que c'est juste une princesse, pas une reine, mais quand même, Ben c'est surtout pour qu'elle affronte Princesse Daisy de l'autre côté de l'allée, si on veut. Les pions sont des scènes et des carapaces de tortues. Voilà, allez lâcher, ça vous tente. Super Mario Chess Collector's Edition, c'est via Crunch Gear. Allez voir le site de l'émission au www.unechance.com. La Pogo Plug, maintenant, si vous n'avez pas entendu parler de ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant. Ça ressemble un peu à ce qu'on branche dans le mur pour, mettons, un modem ou un appareil, n'importe quoi, là, une chose d'électricité, si on veut. Mais à l'intérieur, tu as vraiment une espèce de... Je dirais, bon, on va commencer par dire que vous pouvez brancher un disque dur dessus, une clé USB, n'importe quoi, et le contenu va être envoyé sur Internet. Donc, c'est comme un genre de réseau sans fil, n'importe quoi. Et vous allez pouvoir accéder à vos fichiers même avec votre iPhone. Voilà, donc c'est le Pogo Plug, c'est via wired.com. J'en parlais un petit peu plus tôt, ça m'avait intrigué pas mal, ça, des salières et poivrières en forme de cube Rubik, sauf qu'il faut les acheter séparément pour 16,55$. Et au lieu de tordre le bloc pour mettre les couleurs aux bons endroits, il faut tordre le bloc pour faire sortir le sel et le poivre. Magnifique, très très nerd à avoir dans sa cuisine, je dirais. Ensuite, le gagnant de notre prix, célèbre pour le gadget le plus stupide de la semaine, c'est le Drop Stop, une chose de néoprène qu'on insère entre le siège de sa voiture et le centre, vous savez, le petit endroit où on met des niaiseries, là, de téléphone cellulaire ou n'importe quoi dans le milieu entre les deux sièges. Et ben c'est du néoprène qui empêche les choses de tomber par terre. Ça peut être de l'argent, ça peut être des frites qui montent dans leurs images ou un iPhone. Donc, pour sauver vos gadgets, évidemment, si vous échappez les choses de l'autre côté du siège, entre la porte et le siège, ça sert pas à grand-chose. Vous pouvez vous les commander, les Drop Stop, sur buydropstop.com. Il y a une très bonne info pub. Assez drôle. Allez voir ça. Sur le site ogizmo.com, on parle d'une cravate clé USB. Et là, c'est pas quelque chose que vous pouvez acheter parce que c'est une compagnie qui s'appelle Dialogue 05 qui a fabriqué ces choses-là pour sa propre compagnie, en fait, pour les gens qui travaillent là-bas, pour s'échanger des données d'affaires ou des cartes d'affaires à la place d'avoir des vraies cartes d'affaires. C'est leur cravate qui se branche en USB sur l'ordinateur de l'autre. Un autre gadget qui n'est pas geek en tant que tel, mais que seulement un geek oserait acheter ou peut-être un gars épais. Parce que c'est pas très chic. C'est le Luzone Traffic Cone, qui est ce dont vous avez besoin, exactement, j'en suis sûr, si vous n'avez pas de ventilateur dans votre salle de bain. Parce que c'est un cone qui dit « n'entrez pas » pendant 10 minutes. Hein? C'est très subtil, très chic. Les filles adorent, j'en suis sûr. Truth Wristband Kit, toujours sur le site de ogizmo.com. Si vous espérez détecter les mensonges chez vos amis, une façon un petit peu moins subtile de le faire que simplement lui demander des questions, c'est d'attacher ce bracelet qui va flasher de différentes couleurs pour dire si c'est la vérité ou pas, parce qu'il y a un petit fil qui est relié à votre doigt. Et là, il y a une affaire tout à fait scientifique, j'en suis certain. Un processus incroyable. Et vous pouvez vous procurer ça pour $45 chez Maker Shed. Commandez surtout pas ça, s'il vous plaît. On commence avec un gadget qui est geek que par association, parce que c'est plus pour les plombiers ou les gens comme ça qui aiment les tuyaux. Hein? Il y a beaucoup de gens qui aiment les tuyaux, tu sais. Hein? Commençons donc avec un évier, un genre de robinet fait avec des tuyaux lui-même. Et dans le fond, c'est une lumière à la place d'être de l'eau qui sort de là. C'est ça qui fait que c'est geek, c'est pour votre bureau. Et vous pouvez même allumer la lumière en tournant le genre de robinet. C'est comme ça que ça fait on-off. C'est un designer à Tel Aviv qui a fait ce projet-là. Vous pouvez évidemment pas l'acheter, mais vous pouvez peut-être en faire un vous-même. Allez voir l'article sur unechance.com pour les photos et la documentation là-dessus. iBoy, hein? C'est pour un étui pour votre iPhone en forme de Game Boy. Sur le site de offworld.com, on dit qu'on sait pas trop d'où ça vient. On recherche la personne qui l'a inventé. Mais bref, je trouve ça beau. Allez voir la photo. Cool iPhone case sur le www.unechance.com. Un tapis en forme de touche de clavier qui dit home ou accueil. C'est le retour en haut de la page là, qu'on utilise très peu fréquemment. En tout cas, moi, je l'utilise beaucoup, mais vous, peut-être pas. Ça coûte $25. Ça, c'est un vrai produit. Vous pouvez l'acheter. Il y en a un autre qui dit enter. Mais disons que enter, ça fait entrer pas mal n'importe qui. Home, c'est juste pour vous dire, bon, vous êtes à la maison. C'est pas tout le monde qui va rentrer. prochain gadget, c'est une cigarette USB. C'est vrai, si vous êtes le genre de fumeur qui suit la loi, vous pouvez pas aller dans des bars ou dans des endroits comme ça avec une cigarette, mais avec ce gadget, vous pourriez probablement. Donc, on insère des cartouches de nicotine, oui, en liquide. C'est génial. La seule qui fonctionne par USB, par contre, vient du Japon. de la compagnie Tenco. C'est pas juste un gadget normal, c'est un gadget USB. On aime encore plus ça. Donc, vous pouvez recharger ça et vous pouvez même l'utiliser dans l'avion. C'est ce qu'on dit dans l'article. Ça coûte environ 30$. C'est sur le site de Tenco.jp, mais passez par le site de l'émission au www.chance.com pour en savoir plus. Ça, c'est très, très geek. Oui, une bague de mariage faite avec un chip de Atari de 1981. C'est vrai, 18 carats, disponible en or ou en argent. C'est sur le site de Sakura Shimizu. Mm-hmm. On est toujours dans le domaine des bagues. La bague I Do Wedding Band, créée par Sakurako Shimizu aussi, qui est dans le fond une onde de comme une sound wave, comme on appelle en anglais, une onde de son. Donc on montre littéralement un dessin du I Do, lorsqu'on prononce I Do. Hein? Je prononce souvent ça, I Do, quand j'ai faim. C'est sur la bague. C'est découpé à l'intérieur, très joli. Vous pourriez évidemment dire autre chose que I Do et le faire mettre sur une bague, mais bon, c'est pas aussi mignon. Hein? Vous pourriez dire je ne le veux pas. Allez voir le lien pour la photo et beaucoup plus encore. Ici, c'est pour les gens qui aiment la bière, qui aiment ça ouvrir des bières en canette. Moi, j'aime mieux les liqueurs, les boissons, disons, plus pétillantes un peu. Mais vous pouvez insérer n'importe quelle étiquette si vous le voulez par-dessus ça, parce que c'est un porte-clés qui n'est que le haut d'une canette de bière ou de liqueur. En plastique, ça donne l'impression d'ouvrir une vraie canette. Mais ça n'est pas une pour vrai. C'est un porte-clés, donc vous pouvez mettre vos clés dessus. Aussi, ça coûte 9$. C'est en vente à partir du mois de juin au Japon. Mais certainement que vous pouvez l'importer. L'article vient de Crunch Gear. Gadget qui est très utile dans ce cas-ci, beaucoup plus que l'autre avant. C'est sur le site de Donia.jp. On parle d'une souris, une trackball. En fait, vous vous rappelez peut-être sur les portables du bon vieux temps, quand il y avait une boule sur le milieu du clavier que vous pouviez utiliser pour comme souris à la place d'avoir un trackpad en bas de votre ordinateur. Et bien ici, c'est USB. C'est attaché à 3 touches de clavier qui vous permettent de faire un clic gauche, clic droite. C'est pas mal programmable. Et il y a un cordon rétractible. Hein, si on peut dire ça comme ça. C'est bien du site Coolest Gadget et ça serait vraiment cool parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent qu'il n'y a plus de trackball sur leur portable. Je sais pas pourquoi, moi j'avais pas ça, mais peut-être qu'on s'habitue avec le temps. J'aime toujours mieux brancher une souris sur mon portable. Et finalement, un paquet d'allumettes, mais au lieu d'avoir des allumettes, ce sont des chandelles. Quand vous avez besoin de chandelles, vous les romantiques, 8$ par paquet de 4. Et là, littéralement, c'est des chandelles dans un petit paquet d'allumettes. Et vous les allumez et vous pouvez la faire tenir debout dans le paquet d'allumettes. Je trouve ça cool comme gadget. Ah, j'aime donc cette chronique GoGo Gadget, une de mes préférées ici à CNX. On commence avec des gadgets soit utiles ou inutiles, dépendant de si vous avez beaucoup de choses dans votre estomac. Hein? Ça a l'air bizarre comme introduction d'une nouvelle, mais quand même. En fin du compte, c'est une toilette, d'accord, de la compagnie St. Thomas Creations, qui est faite pour pas mal se débarrasser de n'importe quel produit. C'est la Quattro Flushing Technology qui est dans cette toilette-là, le système de flushage le plus avancé au monde. On sait pas si ça vient avec une ceinture de sécurité parce que ça a l'air assez, assez intense comme vidéo. Allez voir ça sur le www.unechance.com. Mais littéralement, là, dans la toilette, dans la vidéo, il montre des lettres d'alphabet en plastique en train d'être flushées. Il montre, je sais pas, de la bouffe ou des balles de tennis ou de golf, n'importe quoi. Tout passe dans cette toilette avec Quattro Flushing Technology. Allez voir la vidéo sur le www.unechance.com. Tous les liens d'émission sont là. Quelques semaines, on parlait de savon en forme de manette de jeu vidéo, mais les savons étaient d'une seule couleur, disons bleu et puis avec des boutons. Mais ici, on a un modèle qui ressemble un petit peu plus à une vraie manette de Xbox 360. Il y a aussi une manette NES, 12$ pour la Xbox et NES, c'est 9$. Bref, allez voir les photos et si ça vous intéresse, allez les acheter. Moi, je trouve ça cool, mais il faut pas l'échapper à terre parce que vous savez ce que ça donne quand on échappe une manette à terre. Mais un savon, c'est encore pire, plus fragile. Si vous êtes sur Facebook moyennement fréquemment, vous avez sûrement vu cette vidéo d'une compagnie quelconque qui offre un téléphone qui se change en n'importe quoi. Il y a un filtre à café là-dedans, n'importe quoi. C'était une blague en fin du compte. C'était pour une province du Canada, je crois que c'était Terre-Neuve ou quelque chose du genre. Je sais pas pourquoi c'était un téléphone qu'il y avait dans leur infopublicité, mais bref. Ici, c'est un vrai téléphone qui se transforme en rasoir. Un peu comme le promettait ce téléphone dans cette blague sur Facebook. Donc, le iPhone va avoir son copier-coller cet été. Ben lui, il va y avoir un rasoir. Et puis, peut-être que l'iPhone va devoir faire un petit peu mieux dans sa prochaine itération, son iPhone 4, si on veut. Non seulement ce téléphone-là avec rasoir a une une carte SIM, deux cartes SIM disponibles radio FM. Autre cas 5 qu'on a d'habitude dans un téléphone cellulaire, on peut parler pendant environ 2-3 heures sur ce téléphone-là. Il tient sa charge entre 220 et 260 heures, mais le temps de rasoir, environ une demi-heure. Hein? C'est le A2DP. Que vous pouvez retrouver sur le solomobi.com. Allez vous renseigner, solomobi.com. Asus a eu une bonne idée en fin du compte. Au début, les gens sur Internet croyaient que c'était une très mauvaise idée de mettre un écran, un minuscule écran dans un clavier. Si on se disait, à un moment donné, ça doit faire mal au cou de toujours utiliser son écran là-dessus. Ben, en fin du compte, c'est plus pour servir de petit écran d'accompagnement avec des widgets ou pour, disons, contrôler votre télé. Faut y avoir le clavier sur vos cuisses et puis contrôler la télé avec le petit écran qui apparaît dessus. Bref, 1.6 GHz Atom Processor, 1 GB de RAM et soit 8 ou 16 GB de, pas disque dur, mais mémoire flash si on veut, dans cet appareil-là. Ça va être disponible à partir du mois de mai entre 400 et 600 $. C'est la compagnie Asus qui fait ça. Une autre très très bonne idée, c'est OnLive qui a été annoncé au GDC cette semaine, très récemment. C'est un service qui vous permet de jouer à des jeux vidéo sans avoir une machine nécessairement si forte que ça. Le jeu est fourni sur un serveur. Donc, quand vous lancez le jeu, il y a un genre de furteur Internet qui vient avec cette affaire-là. Et vous allez voir peut-être un petit peu de chargement, mais le but ultime de OnLive, c'est de ne pas avoir de chargement parce que le jeu est sur une centrale qui est à des milles de chez vous. Et apparemment, même si vous avez une connexion pas si forte que ça, mettons 5 megs, ça devrait être correct. C'est ce qu'ils disent. J'ai hâte d'en apprendre plus sur ce produit-là, OnLive, mais bref, allez voir le www.onlive.com pour plus d'informations, pour des démos de ça. J'ai vu une entrevue avec le gars, il a l'air de bien croire ça, lui, le créateur de ce produit-là, ou au moins le porte-parole. Vous êtes allé de vous faire détruire à des jeux vidéo comme Halo 3 par des adolescents ou des enfants de 15 ans. Votre raison, c'est peut-être pas parce que vous êtes juste vieux, si vous êtes à l'université ou quelque chose du genre, 30 ans et plus, hein? Vous êtes peut-être pas trop vieux. C'est peut-être que vos mains sont pas conditionnées pour être assez efficaces. C'est pour ça qu'il y a le Extensure and Exerciser. Ça promet de réparer ça pour vous. En voyant les photos, ça a l'air assez étrange, là. Un genre d'élastique qui vendre vos doigts dans un genre de morceau de plastique. Il y a une description médicale dans l'article qui est en anglais. Allez voir lunechance.com et voyez les photos aussi. Ça coûte $39.99. C'est sur le site de ThinkGeek. Et moi, les produits de ThinkGeek, j'ai tendance à leur faire confiance. Donc, le Extensor Gamer Hand Exerciser. Et finalement, vous avez peut-être été intrigué par mon introduction un petit peu plus tôt dans l'émission. Nettoyeur de cannes de liqueur ou de soda ou de pop ou comme vous le voulez. Si vous êtes germophobe, je sais comme ça qu'on dit ça. C'est le Coal Cleaner, un design de Leon Peng qui tue les bactéries sur les canettes de liqueur. C'est pas mal toutes les infos qu'il y a là-dessus, mais allez voir la photo, ça a l'air intéressant. Je sais pas si c'est un prototype ou un vrai produit, je crois que c'est seulement un prototype, mais je crois que ça devrait exister pour les germophobes. Dans les gadgets les plus stupides les uns que les autres, commençons avec un extrêmement stupide. Si vous vous sentez un petit peu solitaire, Fiona Carswell est un de ces gens sans amis là. Sans amis du tout, du tout. Donc, ils ont inventé des cell stickies qui sont des autocollants électrostatiques. Non, pas des autocollants littéralement, mais c'est électrostatiques qui collent sur n'importe quoi. Bref, avec de faux messages textes pour votre iPhone quand vous sentez déprimé un petit peu. Rien ne remonte, le moral est-il recevoir un faux message texte qui dit, mettons, genre, tu as raison, comme d'habitude, ou on devrait peut-être boire un verre ensemble un jour, ou j'adore ton idée. C'est les cell stickies pour les gens qui n'ont pas de vie. Si vous êtes en train d'écouter cette émission-là, vous êtes probablement geek, donc vous avez besoin de gadgets geek. Vous en avez sûrement chez vous. Le site Great Big Stuff vous offre le Great Big Computer Key Seat, qui est exactement ce que son nom veut dire en anglais. C'est des bancs de plastique en forme de touche d'ordinateur, 22 pouces par 15 pouces, en noir ou en beige, avec le mot « site » écrit dessus, mais... Ce qui est le fun, c'est que vous pouvez le personnaliser. Le mot site, vous pourriez mettre le mot cul si ça vous tente pour mettre votre cul sur une grosse touche qui dit cul. Hein? Donc, $125, c'est cher. Great Big Computer Key Seat. Mais j'adore l'idée. Ça serait pas génial d'avoir des touches d'ordinateur un peu partout dans la maison? Je crois que oui. Dans le film Jurassic Park, nous rappelle le blog Wired.com, on nous rappelle sur ça que Dr. Alan Grant utilisait son ordinateur à l'extérieur et utilisait des boîtes de carton pour empêcher le soleil de défaire son plaisir à utiliser un ordinateur de façon facile. mais un petit peu compliqué à trouver dans le bois ou dans le parc. Et c'est plate de traîner du carton. Bref, Think Tank, la compagnie, offre Pixel Sunscreen 2.0, qui est un genre de capot pour votre portable, pour c'est comme un genre de viseur, comme une casquette presque, si on veut, pour votre ordinateur. Ça nous dit, dans le PDF d'instruction, de le plier correctement, parce que sinon, vous pourriez avoir des problèmes et ça pourrait annuler votre garantie. Bref, The Pixel Sunscreen 2.0 coûte 70$. Avec ça, on pourrait acheter beaucoup de boîtes de carton, dit Wired.com. C'est un petit peu comme dans le bon vieux temps des appareils photo où il y avait une espèce de drap pour se mettre par-dessus la tête. C'est un peu la même chose. Si t'es claustrophobe, c'est pas la meilleure idée. C'est pas la meilleure idée en général, hein, de se mettre un genre de toile, de parachute presque sur la tête, mais ça se replie bien, ça se transporte bien dans un sac si vous en avez absolument besoin pour faire du montage vidéo, peut-être à l'extérieur. Genre. Des oreillers pour travailler tard, ça s'appelle Pillows for Working Late en anglais. C'est un ensemble en trois morceaux créé par un designer polonais, Mara Ganzinik. Ça vient avec un col, une cravate et une manche qui sont douces et l'endroit parfait pour mettre votre tête lorsque vous travaillez tard sur un projet quelconque. Donc, allez voir la photo et peut-être procurez-vous-le ou peut-être faites-vous-en un vous-même. J'imagine ça doit être un petit peu plus facile. Ou traînez-vous donc un coussin à la place. La télévision asymétrique par le studio First, FRST, qui est en forme d'écran avec un coin mangé, si on veut. Parce que cette télé-là vous permet de faire du widescreen et du 4:3 dans la même télé, tout en n'ayant pas de bande noire, ou en tout cas beaucoup moins de bandes noires, juste une en bas ou juste une à droite dans ce cas-ci. Je trouve ça cool. Je sais pas si... j'allais pas te dire que je sais pas si on peut l'acheter, mais je crois qu'on peut physiquement l'acheter. En tout cas, bref... Je trouve ça joli. 618 par 840 par 120 mm. Allez voir sur le studiofrst.com ou encore unechance.com. Ça, je trouve ça vraiment bien. C'est par la même compagnie qui fait des lecteurs flash en forme de tampon. Ça a fait le tour d'Internet il y a quelques instants à peine. Ça vient de la compagnie Meninos. Donc, c'est des whiteboards, une planche blanche là, sur laquelle vous pouvez inscrire des messages. Mais dans ce cas-ci, magnétique, avec des aimants qui ressemblent aux différentes boîtes à outils des logiciels Photoshop et Illustrator. Il n'y a pas vraiment plus geek que ça comme petit whiteboard à avoir chez vous ou au travail. Donc, 25 $, 65 $ avec une planche de 20 pouces incluse et 80 $ avec une planche de 30 pouces. Donc, achetez ça pour votre cubicule. Commencez à accrocher vos mémos, vos courriels là-dessus. Et vous allez avoir des boîtes à outils de Photoshop et Illustrator. Version, j'imagine, la plus récente, CS4. Ça ressemble à CS4. Version Mac, même. J'adore. Il faut aller voir la photo pour comprendre, mais c'est des bracelets en forme de sound wave. Comment t'appelles ça? Les sons. Vous savez ce que ça fait dans un logiciel de son? Les ondes de son. Bref. En bracelet. C'est le Sound Advice Project qui veut que vous enregistriez. Un message qui parle de drogue, qui dit aux enfants n'utilisez pas de drogue, mais vous n'êtes pas obligé de choisir un message comme ça. Hein, ça peut être n'importe quoi, genre CNX, c'est l'émission la plus geek de la radio. Et là, vous l'avez en bracelet, en forme de d'onde de son. Et ça coûte seulement 18$. C'est vraiment un très bon cadeau pour les geeks. Vraiment une très bonne idée. Et il y a même une petite carte qui vient avec qui dit le message qui est dans la Soundwave. C'est malade. Un peu dans le même genre, c'est la compagnie 3M qui a sorti un ruban collant, là, de papier-collant, de tape, comme on pourrait dire. C'est donc la compagnie 3M qui fait ça, mais ça nous dit pas c'est quoi le message qui est dans la Soundwave. C'est la même idée que l'autre, mais avec un message que ce n'est pas vous qui choisissez. Et c'est $5.77 pour 60 mètres de papier-collant, de tape avec une Soundwave dessus. Ça, je suis un petit peu moins sûr de celui-là. Hein? La guitare la plus épeurante au monde, c'est la Teenar Sexy Guitar. Donc, c'est comme teen et puis guitare, j'imagine. Je sais pas, mais c'est une guitare faite avec un mannequin. Oui, un mannequin de plastique. Épeurant, il y a une guitare attachée après. Ça a juste pas d'allure. Allez voir la photo. Et dites-moi que vous avez pas peur de ça ou que vous êtes pas terriblement excité. Bref, c'est bien du site acornking.blogspot.com. Tous les liens là, sont sur le www.unechance.com. Mais une guitare avec une fille... Ah, je sais pas. Pas sûr. Et la fille, y a pas de bras. Tu regardes ça. Ça fait bizarre un peu, comme mannequin. Bref, on voit pas ça tous les jours. Oui, y a rien de plus gay que de parler de gadgets utiles ou inutiles ici à CNX. Commençons avec... vous savez, j'aime beaucoup, relaxer. J'aime relaxer. C'est difficile un peu pour moi des fois. Au bureau, c'est des fois un bon endroit. Peut-être prendre une petite pause entre deux de réparation d'ordinateur de vos collègues, genre. Mais c'est difficile de dormir au bureau parce que vous avez pas d'oreiller, vous avez pas de coussin, vous avez rien pour appuyer votre tête. Hein? Dormir, c'est tellement génial. Votre clavier est pas confortable. Juste pas confortable. Eh bien, voici le Pilo-Pilo ou Pilo-Pilo qui est un oreiller sur une bague, entre 25 et 35 $ que ça coûte. C'est pour vous endormir sur votre poing, donc il y a vraiment un petit oreiller sur votre bague. Peut-être que pour les gars, c'est un petit peu pas très joli, mais bon. Petit coussin, attaché. Oui, oui, c'est beau. Allez voir le site de produits sur le pilopilo.com, pilopilo.com. Je disais entre 25 et 35 $. Le Smart Switch qui remplace votre bouton de lumière et qui le rend plus difficile à allumer quand l'utilisation d'électricité dans votre maison est trop haute ou même sur la grille au complet, là, bon, toute votre ville ou dépendant quelle compagnie vous... Ben, en fait, au Québec, c'est pas mal d'au Québec, là, mais bon, dépendant de la grosseur de votre grille d'électricité, je sais pas ce que ça veut dire, mais moi, je suis pas un connaisseur de ça. Donc, c'est équipé avec une connexion de réseau et un frein. Un frein, oui. Donc, la lumière donne on pourrait dire un feedback tactile, un retour tactile dépendant de l'énergie qui est utilisée dans votre maison. Smart Switch ne vous empêche pas d'allumer la lumière, mais vous empêche, en fait, vous fait penser au fait que vous êtes en train de l'allumer parce que vous le sentez. Et vous avez plus de misère à monter votre bouton. Très intelligent. Ça s'appelle le Smart Switch. C'est sur core77.com. On parle de gadgets verts pour l'environnement. Le Disco Ball Hat tourne et illumine. Oui, ça vient de Fashionably Geek. Partout où vous allez pouvoir porter une boule disco sur votre tête. Vous allez changer, transformer la vie de vos amis en fête. Hein? Oui, à l'école, party. Au party, party. À la maison, party. Au travail, party. Bref, la page de produits est sur le urbantrendhk.com, mais tous les liens sont comme toujours sur le site de l'émission au www.chance.com. Et finalement, du duct tape nucléaire. Oh oui, nous les geeks, on aime le duct tape. Quand c'est pas sur notre paire de lunettes brisées ou pour réparer quelque chose, du duct tape, c'est utile pour tout le monde. Dans ce cas-ci, c'est du nucléaire. Ça coûte super cher. C'est, je pense, 15 $ par rouleau. 48 mm par 54,8 mètres. Donc, ça vient de la compagnie 3M. C'est du 3M Performance Plus. Et ça ne peut pas être détérioré. Même le soleil, les rayons UV, le sulfure, n'importe quoi que vous lancez dessus, ça ne peut pas détruire le Nuclear Duct Tape. Donc, allez en acheter si vous en avez besoin pour réparer vos gadgets. Mm-hmm. On commence avec un gadget qui vient de la Green Gadgets Design Competition qui a lieu en ce moment même. Et il y a beaucoup de soumissions assez intéressantes là-dedans. Un design, en fait, c'est une compétition de design vert, là, de gadget vert. On parle ici de la RITI Coffee Printer ou RITI Coffee Printer. C'est un concept seulement, donc on peut pas l'acheter encore, mais ça utilise des grains de café, de vieux grains de café, pour faire de l'encre dans une imprimante. Hein? Donc, pas cher, très facile à faire, etc. Allez voir la photo et pour en savoir plus, c'est le www.unechance.com dans la section Google Gadget de l'émission CNX. Ensuite, pour les geeks comme moi, là, on a besoin de néons dans notre vie. On est très, très néons, je crois, les geeks. Bref, des bonhommes de Space Invaders, des manettes de jeux vidéo en néon sur un beau petit pied. Ça coûte seulement 30 $ par petit gadget, par lumière. Ça fonctionne par USB. Et il y en a beaucoup, donc allez les voir sur le site de chalfontgifts.co.uk. Si vous avez la tendance à aller dans des cafés pour utiliser Internet avec votre portable, les tables branlent tout le temps. C'est gossant. Et à la place de sortir des bouts de carton ou d'allumettes ou n'importe quoi, utilisez les Wobble Wedge qui stabilisent les tables qui branlotent pour un paquet de 6. Ça coûte 4 $. C'est fait c'est un genre de plastique. Plastique, polymère, quelque chose du genre, qui est fait en genre de petit triangle. Et là, tu fous ça en dessous de la table et puis ça fonctionne. Voilà. C'est les Wobble Wedges. Ensuite, un autre concept qui n'est pas un vrai gadget encore, c'est un genre de morceau de bois pour tenir un hamburger dans sa main sans se salir. Hein? Quel rescousse incroyable, on avait besoin de ça, nous. Très joli, très bien fait, beau bois. Et il y a même une genre de place pour mettre une serviette, une napkin pour empêcher les choses de tomber de votre hamburger. J'adore ça. Ensuite, un portefeuille absolument impossible à déchirer, fait de Tyvek. Tyvek, là, c'est le genre de carton, papier, ou en tout cas, je sais pas trop de quelle substance c'est fait, mais c'est il y a des enveloppes qui sont faites avec ça. hein, et puis c'est impossible de la déchirer. Donc maintenant, en forme de portefeuille, allez voir la vidéo qui vous montre comment c'est fait sur le www.unechance.com. Web design, sketchbook, qui est dans le fond pour les gens qui font du remue-ménage, hein, pour le design web. Donc, à la place de prendre une feuille de papier et dessiner une fenêtre Internet, on vous donne un bloc-notes fait avec une fenêtre de Safari ou Firefox. Et avec des publicités que vous pouvez même rajouter sur vos pages pour que ça ait l'air plus vrai quand vous faites du dessin pour votre future page web. Donc, web design sketchbook. Des aimants en forme de cadenas. En fait, c'est deux genres de morceaux de métal avec des vis qui sont en fait des aimants que tu colles sur ton frigidaire. Et puis là-dessus, il y a un cadenas et puis des chaînes. Et puis ça empêche vos amis peut-être d'ouvrir la porte en pensant que c'est barré. Ils peuvent pas y aller. Ça coûte 11$. Les Thumb Saver, probablement un des gadgets les plus stupides de cette semaine, c'est dans le fond un aimant avec un bâton de métal, mettons avec une poignée de plastique. Et ce que vous faites là-dedans, c'est que vous mettez votre clou au bout de ça et vous pouvez marteler sur votre clou sans vous faire mal. C'est le Thumb Saver, c'est un bout de métal, 20$ avec un aimant au bout, j'adore ça. Le Pizza Pro 3000 Circular Saw, c'est un gadget pour couper une pizza, mais pour avoir l'air un petit peu plus masculin et viril. Hein? Ça tranche à travers toute la croûte, le fromage, etc., etc. C'est génial. C'est juste un coup de pizza, finalement. Toujours sur lunechance.com, les liens sont toujours là-dessus, allez cliquer www.lunechance.com. Ensuite, quelques cubes de glace en forme de Space Invaders ou de bonhomme de Space Invaders, je sais que ça vous intéresse, j'en veux tout de suite. C'est sur digipage.net. Un petit tour des gadgets qui m'ont intéressé cette semaine sur le Ternet. On commence avec une invention qui arrive 140 ans après l'invention du clavier QWERTY. C'est le Fast Finger Keyboard qui va être plutôt difficile à utiliser pour bien des gens, mais les touches sont en ordre alphabétique. Ah oui, c'est les EFG sur le clavier. C'est intéressant. Ensuite, une façon de barrer votre clé USB, un vrai cadenas à combinaison. Oui, aucune raison d'utiliser ça peut-être pour bien des gens, mais ceux qui ont, mettons, un agenda, genre un journal intime, c'est littéralement vous brancher la clé USB à l'intérieur de la prise qui vient sur le petit chose avec un petit anneau pour remettre sur votre porte-clé. Et vous pouvez changer la combinaison. Et puis, il n'y a personne qui va pouvoir lire vos pensées cochonnes. Parlant de pensées cochonnes, Bob Turek, dans son projet Object Remix, a fait un mannequin de plastique quelconque là, pour insérer des haut-parleurs dedans d'ordinateur 36 par 18 par 12 avec amplificateur intégré stéréo. C'est super mignon. Fait toucher à votre musique. Mmh. Vous avez sûrement le même problème que moi. Là. Vous êtes fatigué. Hein? Ça arrive, on est fatigué. Une fois par jour, mettons, deux, trois. Et vous avez seulement votre portable avec vous. Et là, vous pouvez pas l'utiliser comme oreiller jusqu'à maintenant parce qu'il y a un étui de portable fait en coussin. C'est le designer Arstein Juliusson qui a eu cette idée-là, le Napbook qu'il appelle. Donc, confortable et coloré pour couvrir votre portable et s'en servir comme coussin aussi. Autre chose complètement inutile, c'est le Eco Brawley par Shiyuk Yuen, qui est un parapluie plus éco-équitable ou en tout cas plus environnemental, etc., etc. Et peut-être pratique pour certains lorsqu'il y a de la pluie. Vous pouvez traîner ce petit appareil-là qui est dans le fond un parapluie sans le dessus, seulement avec des genres de morceaux de, je sais pas, de métal ou de plastique que vous pouvez fourrer dans un sac facilement. Et là, vous pouvez utiliser n'importe quoi qui est à votre portée. Disons un sac de plastique, un sac de poubelle, un journal. Moi, j'utiliserais sûrement un Publisac. Sûrement, ça, c'est l'utilisation valide. Pour faire un parapluie, donc vous enlevez le dessus, vous mettez votre Publisac, vous revissez la petite affaire, vous faites un trou à l'intérieur de ce que vous avez utilisé comme votre Publisac. Et là, ça fonctionne comme un parapluie. Parfait pour de petites distances, mais ça peut durer quand même un petit peu plus longtemps. C'est bien stabilisé, tout droit, tout beau. J'adore l'idée, mais en même temps, pourquoi pas juste acheter un parapluie tant qu'à avoir à traîner quelque chose, mais peut-être que c'est plus facile à ranger qu'un parapluie où il y a vraiment de la toile dessus et que c'est peut-être plus mouillé. Peut-être que tu peux juste jeter ton Publisac à la poubelle, comme tout le monde le fait de toute façon éventuellement, et puis mettre seulement l'affaire qui est pas trop mouillée dans votre sac à dos. Si vous cherchez une façon de voir de quoi vous auriez l'air après votre mort, hein, quand même, une bonne idée, une expérience, là, comment dire, paranormal ou quelque chose du genre, un extraterrestre qui viendrait vous kidnapper. C'est Julius von Bismarck qui a inventé le Top Shot Helmet, qui est parfait donc pour vous. C'est deux grosses boules blanches, une qui couvre votre figure au complet et une autre qui flotte dans le fond avec des branches là, plus loin au-dessus de vous. Et dans le fond, la boule en haut est une caméra vidéo. Et ce que vous portez sur votre figure est un écran, un affichage numérique dont vous pouvez voir littéralement de quoi vous avez l'air de plus haut. Je trouve l'idée très bonne. En même temps, ça vous donne une tête blanche sur l'image. C'est peut-être un petit peu moins réaliste que votre vraie face. Mais bref, peut-être qu'un jour, il y aura des lunettes avec du vidéo dedans à la place. Maintenant, quelques mauvaises idées de gadgets. On commence par des poids pour votre Wiimote. Si vous jouez à la Wii une fois de temps en temps, bon, après avoir pété votre TV ou frappé la tête de votre chien, comme c'est déjà arrivé, vous pouvez maintenant installer des poids pour vous faire un petit peu de muscle en utilisant votre Wiimote. Donc faites attention avec les poids parce que c'est un petit peu plus lourd, vous pourriez détruire la voiture de votre voisin. Mais bref, des exercices en jouant à des jeux vidéo. Déjà que la Wii vous fait faire des exercices, qui est déjà un bon départ. Si on ajoute des poids, hein, le trifecta n'est pas très loin. Hein? C'est quelque chose de genre. Et finalement, le gadget qui m'a le plus étonné cette semaine par sa stupidité, c'est les A-Thumb, comme dans genre pouce génial ou poussial, genre en français. Donc, c'est vraiment pour empêcher le syndrome du tunnel carpien selon son inventaire, là, selon la compagnie. Mais c'est des menteries, là. Sérieusement, c'est des petits bouts de plastique qu'on insère au bout de ses doigts pour envoyer des messages textes. Je pense pas que ça empêche grand syndrome du tunnel carpien, ça, là. Vos pouces bougent pareil de la même façon, mais tout ce que vous faites, c'est peut-être empêcher des ampoules sur le bout de vos pouces. Mais ça, il faudrait vraiment être fou pour envoyer autant de messages textes pour avoir des bobos sur les pouces comme ça. Bref, et là, en plus, dans la publicité, avec un gars qui arrête pas de dire « Awesome !» comme si c'était vraiment particulièrement génial. 11,50$ pour deux petits, deux grands A-Thumbs et une enveloppe pour mettre vos A-Thumbs à l'intérieur et qui, en plus, se double comme deuxième option, comme linge de nettoyage pour votre téléphone cellulaire. Parce qu'un T-shirt, c'est certainement pas assez pour enlever toute la crasse que vous mettez sur votre beau petit téléphone cellulaire. Bref, les A-Thumbs, très, très belle invention. J'en veux 14. On commence cette semaine avec une montre Transformers. Oui, bon, vous connaissez les geeks, vous les connaissez comme vous me connaissez moi. Parce que, tu sais, je suis tout le temps là, je suis tout le temps en train de vous parler, vous savez qui je suis, Mathieu Plante, CNX, ouais. Donc, Transformers, une vraie montre qui se transforme en robot jouet. Oui, avec un écran qui affiche même une petite animation ou le logo de Autobot. Ça coûte 300$ et ça vaut la peine si vous avez des amis nerds que vous voulez vous montrer. Donc, littéralement, la montre se défait en morceaux et devient un robot. C'est mignon. C'est sur le site de Tiny Cartridge. Évidemment, tous les liens sont sur le site de l'émission au www.unechance.com. iTurtle, haut-parleur de 46$ environ, qui danse selon la musique que vous lui donnez. Vous branchez n'importe quel lecteur MP3 dedans et la tortue va danser. C'est bon, hein? C'est développé par Tiger Electronics. Il y a 7 petites lumières LED et ça fonctionne avec tous les lecteurs MP3 et sûrement d'autres appareils aussi qui se branchent dans le même genre de prise. Si vous êtes un utilisateur de Mac, vous connaissez le mode CoverFlow, autant dans le Finder là, pour trouver vos fichiers, autant dans iTunes. Ça vous montre des pochettes ou des photos dans un beau petit éventail. C'est très joli. Maintenant, il y a une version humaine, physique de ça. C'est une planche avec 5 fentes et vous pouvez mettre n'importe quel CD dedans. Évidemment, il faut faire attention parce qu'il y en a juste 5. Donc, choisissez vos 5 meilleurs pour les montrer à vos gens, à vos êtres chers. 5 CD, donc c'est ça. C'est sur le site de Yanko via Gadgets de bugmug.net. Oh My Bud révèle le premier vibrateur sans fil pour le iPod. Oui, Oh My Bud, les gens derrière le tout premier vibrateur qui fonctionnait sur iPod. Mais maintenant, au Adult Entertainment Expo, ils ont dévoilé une version sans fil de ce vibrateur qui fonctionne sur iPod. Le système utilise un transmetteur discret pour se synchroniser à un vibrateur qui est disponible dans une grande palette de couleurs, un peu comme le iPod Nano. Et ça, ben ça va avec votre playlist préférée pour faire vibrer la chose. Aucun fil, donc tout ça fonctionne parfaitement là. Hein, c'est une belle histoire tout ça. C'est aussi, vous pouvez utiliser le vibrateur normalement sans utiliser le iPod si c'est ce qui vous intéresse. Pour les utilisateurs d'un MacBook de 15 pouces, on parle ici d'un étui pour MacBook qui est fait en bois. Hein, c'est par Rainer Spell. Très, très beau, mais aussi sûrement très cher parce que les prix ne sont pas donnés sur le site. Bref, allez voir les photos et peut-être vous procurer cet étui en bois. Très joli. Ça fait rétro, un peu comme une station wagon, on pourrait dire. À la place de savoir quelle grandeur vous faites, hein, vous savez, vous faites, bon, 6 pieds 2, 4 pieds 11, n'importe quoi. À la place, vous devriez savoir de quelle grandeur, de quelle vedette. Quelle vedette a la même grandeur que vous? Hein? Remettons les mots dans l'ordre, ça donne ça. Donc, si vous voulez savoir, tiens, si vous mesurez la même grandeur que Venus Williams, peut-être, ou Johnny Depp, Julia Roberts, Cameron Diaz, 120 vedettes sur un miroir. Donc, vous vous mettez devant et vous voyez directement la grandeur de votre vedette préférée. James Dean, David Beckham, Charlie Chaplin pour les plus petits d'entre nous. Donc, le miroir coûte entre 60 et... c'est environ 85 $ américains. C'est le « Who tall are you mirror? » Ensuite, un gadget pour les hommes geeks. Oui, les hommes geeks. C'est pour les bouteilles de vin. Et c'est en forme de vis. C'est littéralement pour visser votre bouteille de vin. C'est beau, c'est fait en plastique. Hein? C'est un homme, là, ça a besoin d'outils, ça a besoin de gadgets, ça a besoin de choses geeks. Et moi, ben, ça me comble parfaitement. Allez voir, c'est sur le site www.unechance.com. Il y a des photos et de toutes les couleurs, ces petites vis pour bouteilles de vin. Plus la récession avance, là, plus les gens manquent d'argent, plus les gens vont peut-être s'acheter un vélo à la place de se transporter en voiture. Mais c'est peut-être pas très très prudent par moment. Hein? Peut-être pas l'hiver, là, peut-être que l'été, mettons, c'est pas très prudent le soir. Hein? Donc pourquoi ne pas installer ce petit gadget sur votre vélo qui fait une lumière à l'arrière de votre vélo pour, si on veut copier le look d'une voie pour vélo, là. C'est une petite voix avec des lignes puis un symbole vélo. Donc, en passant, ça dit dans l'article que les voies de vélo coûtent entre 5 000 et 50 000 $ par mille, hein, pour être installées, pour être faites. Enfin bon. Donc, c'est mignon, c'est joli, mais je suis pas sûr que les gens vont vraiment plus faire attention à vous parce que c'est pas la raison, c'est pas que la voie de vélo est pas remarquable, c'est que vous êtes pas remarquable de l'ennemi. Donc, faites donc attention un peu, s'il vous plaît. OK. Oh, ça c'est beaucoup mieux. Parlons de John McCain. Tout le monde aime John McCain, hein? C'est sympathique, gentil garçon. Mais vous voulez vous le mettre sur votre portable computer, sur votre ordinateur portable? Eh bien, c'est votre dernière chance. Vous pouvez l'amener partout où vous voulez. C'est des skins de laptop de John McCain. Ça vient de Meritline. Pour ceux qui veulent être un petit peu plus équilibrés, il y a aussi une pour Obama, mais c'est toujours aussi laid sur un portable. Mais quand même, c'est un beau petit gadget à avoir. C'est selon boingboing.net. Ensuite, une poubelle pour les petits appartements. Moi, j'ai un petit appartement en ce moment, tu sais. Puis, plusieurs poubelles, ça prend de la place. Donc, en voici une qui est faite sur la verticale, mais qui est séparée en trois avec un mécanisme assez intéressant. La pédale de gauche ouvre la poubelle en haut là, pour mettre des poubelles, évidemment. Ensuite, le deuxième genre de petit levier, si on veut, c'est pour mettre le plastique, les emballages, etc. Et la pédale, le milieu se tasse complètement sur un axe. Et la troisième pédale s'ouvre devant vous. Et ça, c'est pour mettre de la vitre. Hein? Three garbages in one garbage. C'est toujours selon boingboing.net. Le lien est sur le site de l'émission ou unechance.com pour ceux que ça intéresse. À chaque fois que j'ai eu des plantes, moi, à la maison, elles sont toujours mortes éventuellement. Parce que je suis pas très responsable. Eh bien, il y a un produit qui s'appelle le Thirsty Light. C'est un petit bâton que vous plantez dans la terre de votre plante. Et quand la lumière clignote, la plante a besoin d'eau. C'est peut-être pas révolutionnaire. Peut-être qu'elle peut pas envoyer des messages sur Twitter. Votre plante, mais au moins pour 10 $, c'est pas cher. Et ça peut sauver la vie de vos plantes. Donc, le Thirsty Light, c'est merveilleux. Un produit du CES, le Consumer Electronics Show, dont on a parlé en détail la semaine dernière, et ben un des produits les plus stupides, je dirais, un échec total, c'est le Cellmate, absolument pathétique. C'est un appareil, dans le fond, qui se branche après votre téléphone cellulaire, votre iPhone, n'importe quoi, un morceau de métal avec un velcro qui tient votre téléphone littéralement collé sur votre tête. Hein? Incroyable. C'est fait pour compétitionner avec le Bluetooth et les autres options main libre, bon, en termes de coût et de qualité de réception. Mais c'est probablement la chose la plus affreuse à avoir sur sa tête, le Cellmate. Mais au moins, ça fait rire les gens. Ensuite, sur le site de Nerdaproof, j'ai trouvé une lampe qui est aussi un aspirateur. Oh, deux gadgets qu'on n'aurait jamais pensé combiner. Non seulement, donc, est-ce que le cône est une lampe absolument à la mode, mais c'est aussi un aspirateur sans fil. Probablement le seul aspirateur que vous aimeriez montrer aux gens dans votre maison au lieu de cacher dans le garde-robe. Allez voir, c'est très, très beau, j'en veux deux. Ensuite, les CDR qui viennent en forme de disquette. Et là, vous pensez que c'est vraiment une disquette qui va être dans votre lecteur de disquette? Non, c'est vraiment un CD, mais carré, en forme de disquette, avec le look d'une disquette, et qui rentre dans votre lecteur CD. C'est vrai? Donc, ça coûte 28$ pour 4. Ça fonctionne dans pas mal n'importe quel lecteur CD, vu que c'est un mini CD. Mais quand même, c'est assez cher, 28 pour 4, mais c'est mignon. Ensuite, retournons au CES, qui s'est passé très récemment à Las Vegas. C'est des télévisions qui ressemblent... En fait, pas des télévisions. C'est un genre d'écran qui fait comme dans Rapport minoritaire. Vous vous rappelez, bon, c'est qui? C'était Tom Cruise qui jouait là-dedans, qui pouvait contrôler des affaires avec ses mains. Donc, allez voir, c'est Bugmoon.net qui en parle encore, mais Gadgetel, un vidéo. Et la vidéo est donc dans les premières sections du www.unechance.com. Cliquez sur l'émission CNX la plus récente sur la page d'accueil. Vous allez trouver ça. C'est CES Photo, deux petits points. Intel's Minority Report-esque Demo Screen. Très facile à trouver. De toute façon, la plupart du temps, je mets les liens dans l'ordre de l'émission. Donc, c'est facile à trouver quand même sur l'unechance.com. Ensuite, est-ce que les téléphones cellulaires sont un petit peu trop petits et un petit peu trop beaux pour vous? Est-ce que vous aimeriez retourner en arrière, avoir des téléphones cellulaires énormes et impossibles à transporter? Vous pouvez maintenant utiliser le Retro Brick Cell Phone Holder, vous allez placer votre téléphone GSM à l'intérieur et quand vous recevez un appel ou un message texte, la brique va vous alerter avec une de 6 phrases et même un flash de lumière. Ça a l'air très, très rétro, ça. Un gros téléphone, une brique, ça devrait quasiment venir avec une valise, tout ça. Maintenant, parlons un petit peu de nouvelles un petit peu plus sexuelles. La science a toujours essayé de recréer l'intérieur d'une femme. Hein? Avec tout ce qui va avec, là. Hein? Entrons pas trop dans les détails. Et bien, toutes ces années d'efforts-là, là, culminent dans le Real Touch, qui est une espèce de grosse affaire là, vraiment gigantesque, qui recrée les nuances de l'anatomie humaine, mais d'une façon qui a l'air un petit peu plus stupide, mais au moins vous êtes seul, donc c'est pas trop un problème. Comment est-ce que ça fonctionne? Vous regardez une vidéo sur votre PC, l'appareil réagit à l'action à l'écran. Ça dit des bandes de caoutchouc vont passer à l'intérieur de cette affaire-là et puis en tout cas lubrifier. Je vais vraiment me garder un petit peu de gêne avec ça. Donc allez voir le site de Real Touch. C'est sur le www.realtouch.com. Realtouch.com. Vous allez voir que c'est vraiment gros. Bref, ça a été même fait par quelqu'un de la NASA. Donc on peut pas dire que c'est une mauvaise affaire. Deuxième chronique GoGo Gadget pour cette émission. Je vous rappelle que vous pouvez suivre avec moi sur le www.unechance.com. Tous les liens sont là-dessus. C'est très, très simple à suivre. Premier gadget, c'est l'Electric Bat Ducky. Hein? Très, très belle idée cadeau. Ça dit sur l'emballage, assurez-vous d'avoir pris la bonne décision. Dans le fond, c'est un canard qu'on met dans le bain qui se branche dans le mur. Donc, c'est un appareil très, très cocasse. Bref, ça existe peut-être pas pour vrai, mais c'est à une seule utilisation. L'Electric Bat Dog. Duck, c'est Duck. Bref. Ensuite, si vous êtes pas des fans de la Xbox 360, mais plutôt de la Nintendo Wii ou de la PlayStation 3, achetez-vous donc la casquette de Team ROOD ou Red Ring of Death. Vous connaissez sûrement le problème de la Xbox qui a tendance à un petit peu geler et à montrer un anneau rouge de la mort, un cercle rouge. Donc, la casquette et le chandail qui sont disponibles pour 19$. J'ai vu ça sur nerdapproved.com. Amenons la bêtise humaine à son, pas maximum, mais à un cran plus haut que le canard et le Red Ring of Death de la Xbox 360. Avec les trongs, c'est des outils de cuisine, si on veut, qu'on enfile sur ses doigts. Et c'est fait, peut-être en silicone, quelque chose du genre, mais c'est fait pour en plastique. Bon, disons en plastique. C'est fait pour simplement manger des chips ou manger du poulet. Et dans le fond, le seul désavantage, c'est que tu peux pas t'écher les doigts après, mais quand même, c'est plus propre, c'est le fun. Vous pouvez en acheter une douzaine de trongs pour seulement 5$ plus les frais d'envoi. Vous, mesdames qui écoutez CNX en ce moment même, vous avez peut-être froid à vos endroits, disons, à vos endroits personnels en dessous de votre chandail. Hein? Comment dire de façon plus classe que ça? Des appareils USB pour réchauffer votre poitrine. Oui, ça se vend pour vrai. C'est vraiment vrai. C'est la compagnie Tenco qui a créé ces appareils par USB. Chauffe-poitrine. Ah oui, on vire le monde à l'envers avec ces produits-là. Ensuite, vous avez aimé Duck Hunt quand vous étiez jeune sur votre Nintendo Entertainment System. Eh bien, la compagnie Interactive Toy Concepts, c'est la même... la compagnie, hein, Interactive Toy Concepts, propose son propre genre de jouet où ils ont déguisé un de leurs jouets qui existait déjà en Duck Hunt. Et dans le fond, c'est leur iFly Line qu'ils ont transformé. C'est des genres de robots volants, si on veut, qui sont peinturés. Et après avoir lancé votre cible dans les airs, vous avez 30 secondes pour la frapper 3 fois avec le light gun inclus. Et si vous réussissez, ben dans le fond, tout ça s'éteint et il tombe par terre là. Duck Hunter sera donc disponible ce printemps pour 30$. L'article vient de gizmodo.com. Et quelque chose qui avait peut-être besoin d'amélioration, c'est les machines à liqueur. Hein? Dans les centres d'achat, les machines à liqueur, bon, ils ont déjà évolué depuis quelques temps avec le genre de petit étage là, où la bouteille peut tomber, puis là, il y a une espèce de processus qui fait que ça descend jusqu'en bas. Mais la prochaine version, ça va être Wi-Fi intégré. Là. Les U-Vending Machines de Samsung avec écran touchscreen, oui, c'est branché sur un réseau avec Wi-Fi, ce qui veut dire que leurs propriétaires peuvent surveiller le stock à l'intérieur de la machine avant qu'il en manque. Donc peut-être qu'il va en manquer moins souvent. Ils peuvent même mettre à jour les informations de l'écran à distance. Donc, si les prix changent, plus besoin de changer les petites étiquettes. Ça se fait sur l'écran. C'est-tu pas merveilleux? Ça détecte aussi les chocs physiques. Hein? Donc, détection des chocs physiques. Il y a même une caméra à l'intérieur pour s'assurer que s'il y a quelqu'un qui essaie de vandaliser la machine, ils vont se faire attraper. Mm-hmm. Ça vient de Switch.com. Et finalement, on parlait tantôt avec Martin Bertrand dans sa chronique des petites mythologies d'appareils photo jetables. Dans ce cas-ci, on parle d'un appareil photo Lego. Oui, c'est vrai. Digital Blue, la compagnie, et Lego ont annoncé un partenariat pour faire des appareils photo avec des briques Lego. Hein? Belle petite caméra que vous pouvez aller voir sur lunechance.com. Le prix est de $59 en ce moment et vous pouvez... Bon, peut-être pas la défaire en morceaux et la remonter, parce qu'il y a quand même une espèce de mécanique là-dedans assez incroyable. Mais bon, j'imagine que vous pouvez la pitcher à terre si ça peut vous faire plaisir. C'est selon Bang Bang Gadgets. Les habitués de l'émission savent que j'adore les gadgets qui servent absolument à rien et c'est pour ça que la chronique Google Gadget existe. Enfin, de retour, au moins de retour en ondes à la radio. Calendrier en serviette de table, oui, pourquoi pas avoir 365 serviettes de papier pour l'année 2009. Tout ça dans des petits sachets de 30 ou 31 ou 28 ou 29, dépendant de chaque mois. C'est séparé par mois. Ben oui, il y a le mois d'avril, hein, mettons. Là, tu fais 1, 2, 3, puis tu peux t'essuyer la bouche avec à chaque jour. C'est malade. Ça, c'est sur todayandtomorrow.net. J'adore. Peter Enberger, c'est le t-shirt nommé... par la personne et avec le nom de la personne qui l'a créé. Dans le fond, c'est une impression d'un calendrier de 2009, mais fait comme un genre de table en chimie, bon, une table, vous savez ce que c'est, périodique, là. Ça vient avec un crayon feutre, et là, vous barrez ou vous bariolez chacune des cases du calendrier dans un désordre complet, un peu comme le calendrier de l'Avent que vous avez peut-être mangé, ou comme dans mon cas, j'en ai mangé deux. Donc, vous remplissez les boîtes, et puis ça fait très joli. À la fin, vous avez un beau chandail avec un carré noir dans le milieu. Ensuite, sur le site de Nerd Approved, un design intelligent, mais quand même assez simple. C'est des joysticks d'arcade qui sont collés sur une planche de bois. Vous pouvez commander ça en différentes couleurs. Et puis, dans le fond, vous accrochez votre manteau là-dessus. Hein? C'est pas génial, ça? C'est disponible sur demande. Ça vient de la compagnie Arcade Lounge. Ensuite, toujours dans les joysticks de jeux vidéo, on parle ici d'une lampe faite avec un joystick. Il y a même le dessous, là, tout le joystick au complet, là, même que le petit chose qu'on met par-dessus l'ampoule, là, est fait de couverture de jeux classiques. Et le joystick, c'est un joystick de Atari 2600, donc c'est très, très, très geek. Maintenant, sur le site de Earless, on parle d'une montre qui, dans le fond, a l'air un petit peu préhistorique, parce qu'au lieu de dire les heures, c'est comme l'évolution. T'sais, on part de petites cellules, quelque chose du genre, et on monte d'animaux de différentes tailles, de différentes pattes même, jusqu'à devenir un humain à midi. Donc c'est sur le site de Cabanon Press pour l'acheter. Sinon, passez par le site de l'émission au www.unechance.com. Ensuite, on vous dit comment faire votre propre bar 2D2. C'est un bar mobile contrôlé par télécommande avec un ascenseur à bière, hein, un tiroir à glace, un distributeur de 6 bouteilles et même des lumières de néon activées par le son. Et vous pouvez la conduire n'importe où pour amener votre partie sur la route. Ça a été créé dans le garage d'un gosse en utilisant des outils qui sont disponibles un peu partout là en magasin. Jamie Price l'a construit et vous pouvez, si vous voulez, vous en construire un vous aussi en allant sur le site de Instructable, qui est sur le site de l'émission. Évidemment, amusez-vous avec ça. Ensuite, votre chien ne fait pas assez d'exercice. Peut-être que vous ne faites pas assez d'exercice et que vous voulez vous faire remplacer par votre chien. Finalement, vous pouvez construire acheter plutôt un tapis roulant pour votre chien. C'est très, très joli. Vous pouvez mettre ça à l'intérieur, vous arrangez la vitesse, la distance et l'inclinaison même pour donner à votre chien l'exercice qu'il mérite. Mm-hmm. Ensuite, sur le site encore de nerdapproved.com, on parle d'une cible pour votre toilette. Oui, parce qu'il y a bien des gens qui ne sont pas capables de viser la toilette correctement. Ici, on vous donne une genre de bille qui ressemble à un ballon de soccer, je sais pas trop quoi. Ça coûte environ 9$ et vous mettez ça dans votre toilette, ça flash et puis vous pouvez viser là-dessus. C'est toujours le fun d'avoir un bon but. C'est comme un jeu vidéo. C'est des geeks. Des fois, on a besoin d'un but. Quand même quand on va aux toilettes. Hein? Un autre gadget plutôt inutile, des crayons plomb pré-mâchés pour 1,50 $ par paquet. Oui, oui, ça vaut vraiment la peine, tu sais, des crayons plomb pré-mâchés. Quand vous arrivez à la maison, vous êtes fatigué, vous voulez relaxer, mais vous avez aussi besoin d'un petit peu de petit push, hein, un petit push pour vous faire dire « Ah, j'ai une raison de retourner chez moi. Pourquoi ne pas acheter un tapis de gazon avec une ligne d'arrivée et un mot « finish » dessus? Hein? » C'est pas génial, c'est selon uniquedaily.com. Vous êtes une personne qui buvait du café, voilà. Et vous devez savoir s'il y a vraiment du café, de la caféine dans votre café. C'est pas un décaféiné, j'espère. C'est les Decaf Caffeine Test Strip qui vont vous le dire. Le créateur dit que c'est précis à 98% pour détecter plus de 20 mg de caféine par portion de 6 onces. Mais il faut payer 10$ pour un paquet de 20. Pour savoir si ça fonctionne vraiment et je ne le ferai pas. Un sac à main fait de touches de clavier, très joli. João Sabino, qui est un designer portugais, qui a trouvé une bonne raison, ou plutôt une bonne façon de se débarrasser de ses vieux claviers. Hein. Il a pris 393 touches de clavier pour couvrir une sacoche bien pratique. Ce sac est à la mode, hein, à la mode, mais pas très pratique. Par contre, quand on le regarde, là, ça n'a pas l'air super pratique à utiliser. C'est en vente pour vrai, c'est même pas juste un prototype, c'est en vente pour environ 182$ américains pour le modèle noir et blanc. 200$ pour un modèle rose ou rouge. Vous pouvez le commander sur jaosabino.pt. Passez donc par le site de l'émission ou unechance.com. Ensuite, pour vous, les gens là qui... vous, la maison, les gens, qui aimez aller... Comment je pourrais bien expliquer ça? Qui aimez vous salir, hein? Vous salir. Mais vous aimez aussi boire des breuvages. Mais vous aimez pas salir l'outil qui va servir à boire votre breuvage. On parle ici de paille en stainless steel, oui, fonctionnel et durable, qui combine l'indestructibilité ou quelque chose du genre avec une belle présentation. Mm-hmm. Pour quatre pailles, c'est un paquet de 4. Allez voir sur lechance.com pour le lien. C'était sur le site uniquedaily.com. Voilà, c'était la compilation des capsules Go Gadget depuis le début janvier 2009. Retrouvez évidemment toutes les notes dans le billet que vous êtes sûrement en train de lire en ce moment sur assemblagerequis.com. C'est dans la capsule CN Extra Go Gadget, deuxième partie. Je m'appelle Mathieu Plante et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre édition de CNX à la radio. Cette fois-là, ce qu'on va faire, c'est une récapitulation des capsules autour du net. Donc, la semaine prochaine, jeudi 11h, on rappelle mercredi à 15h. /.com/.com/.com/.com/.com/.com /.com